a absolument aucune info concernant une coupure de courant qui aurait eu lieu cette nuit. Non, vous faites fausse route.